Les studios de dessins animés 26 avril de Corée ont mis au monde les nouveaux dessins animés d'histoire Cosmon. Cosmon est le fondateur du Goguryeo, puissance antique. Les 10 parties créées jusqu'à présent représentent la vie de Cosmon, jusqu'avant son départ du royaume Puyo, fort déçu de son pays natal.